Chapitre 4. Un fâcheux voisinage. La ville de Vancouver n'est point sur la grande île du même nom. Elle occupe un point de cette langue de terre qui se détache du littoral colombien. Ce n'est qu'une métropole. La capitale de la Colombie-Britannique, Victoria, dont la population atteint 16 000 âmes, est précisément bâtie sur la côte sud-est de l'île, où se trouve également New Westminster avec ses 10 000 habitants. Vancouver est située à l'extrémité d'une rade ouverte sur le sinueux détroit de Juan de la Fuca, qui se prolonge vers le nord-ouest. En arrière de la rade pointe le clocher d'une chapelle, entre d'épaisses frondaisons de pins et de cèdres, qui suffiraient à cacher les hauteurs d'une cathédrale. Après avoir subi la partie méridionale de l'île, le canal en contourne les côtes orientales et septentrionales. On le voit, le port de Vancouver est facilement accessible aux navires venant du Pacifique, qu'ils descendent le littoral canadien ou qu'ils remontent le littoral des États-Unis d'Amérique. Les fondateurs de la ville de Vancouver ont-ils trop préjugé de l'avenir? Ce qui est certain, c'est qu'elle suffirait à une population de 100 000 habitants, et une telle population circulerait encore à l'aise à travers la dernière de ces rues géométriquement tracées à angle droit. Elle a des églises, des banques, des hôtels, s'éclaire au gaz et à l'électricité, est desservie par des ponts lancés à travers l'estuaire de la Fells Bay, et possède un parc de 390 hectares, aménagé sur la péninsule du Nord-Ouest. En quittant la gare, Sam Eskim et Ben Radle s'étaient fait conduire à Westminster Hotel, où ils devaient demeurer jusqu'au jour de leur départ pour le Klondike. Le difficile fut précisément de trouver à se loger dans cet hôtel encombré de voyageurs. Les trains et les paquebots versaient alors jusqu'à 1200 émigrants par 24 heures. On imaginera sans peine le profit qu'en retirait la ville, et plus spécialement cette classe de citoyens qui se sont donné la mission d'héberger les étrangers en leur imposant des prix invraisemblables, en échange de nourriture parfois plus invraisemblable encore. Sans doute la population flottante de Vancouver n'y séjournait jamais que le moins de temps possible, si grande était la hâte de tous ces aventuriers d'être rendus sur les territoires dont l'or les attirait, comme l'aimant attire le fer. Mais encore fallait-il pouvoir partir, et bien souvent la place manquait, sur les nombreux steamers qui remontent vers le nord, après escale, aux divers ports du Mexique et des États-Unis. Deux routes mènent de Vancouver au Klondike. L'une, à travers le Pacifique, va chercher à Saint-Michel, sur la côte occidentale de l'Alaska, l'embouchure du Yukon, et en remonte le cours jusqu'à Dawson City. L'autre, maritime de Vancouver à Skagway, devient ensuite terrestre entre cette ville et la capitale du Klondike. Laquelle de ces deux routes allait choisir Ben Radle? Dès que les deux cousins eurent pris possession de leur chambre, la première demande que posa Sam Eskim fut celle-ci. « Pour combien de temps, mon cher Ben, sommes-nous à Vancouver ?»« Pour quelques jours seulement, » répondit Ben Radle. « Je ne pense pas qu'il en faille davantage pour voir arriver le football. »« Va pour le football, » répondit Sammy. « Et qu'est-ce football, je te prie ?»« Un steamer du Canadian Pacific. » qui nous transportera à Skagway et sur lequel je vais dès aujourd'hui retenir deux places. Ainsi, Ben, entre les différentes routes du Klondike, tu as fait ton choix. Le choix était tout indiqué, Sammy. Nous prendrons la route qui est le plus généralement suivie, et en longeant le littoral colombien à l'abri des îles, nous atteindrons Skagway sans fatigue. À cette époque de l'année, le lit du Yukon est encore encombré de glace, et il n'est pas rare que les navires périssent au milieu de la débâcle. Ou que, à tout le moins, il soit retardé jusqu'au mois de juillet. Le football, au contraire, ne mettra pas plus d'une semaine à se rendre soit à Skagway, soit même à Deya. Une fois débarqués, nous aurons, il est vrai, à franchir les rampes assez rudes du Chilkoot ou de la White Pass. Mais au-delà, moitié par terre, moitié par les lacs, nous atteindrons sans trop de peine le Yukon, qui nous portera à Dawson City. J'estime que nous serons à destination avant le mois de juin, c'est-à-dire au début de la bonne saison. Pour le moment, nous n'avons qu'à prendre patience en attendant l'arrivée du football. D'où vient-il, ce paquebot au nom sportif ? Demanda Sam Eskim. Précisément de Skagway, car il est affecté au service régulier entre Vancouver et cette ville. On l'attend pour le 14 de ce mois, au plus tard. Le 14 seulement ? Se récria Sammy. Ah ! Dit Ben Radle en riant. Te voilà plus pressé que moi. Oui, certes, approuva Sammy, puisqu'après tout, il faut bien partir avant d'être revenu. Les deux cousins n'allaient pas être très absorbés par leurs occupations pendant ce séjour à Vancouver. Leur équipement n'était pas à compléter. Il ne s'agissait pas d'acquérir le matériel nécessaire à l'exploitation d'un claim, puisqu'ils devaient trouver sur place celui de l'oncle Josias. Le confort dont ils avaient joui dans le train du Transcontinental Pacific, ils le retrouveraient à bord du football. Ce sera à Skagway que Ben Radel aurait plus spécialement à se préoccuper des moyens de transport jusqu'à Dawson City. Il lui faudrait alors se procurer un bateau démontable pour la navigation des lacs, un attelage de chiens pour les traîneaux, seul moyen pratique de locomotion sur les plaines glacées de l'extrême nord, à moins toutefois qu'il n'ait si pas préférable de traiter avec un chef de portage qui se chargerait, à forfait, de les conduire à Dawson City. Dans l'un et l'autre cas, évidemment, le voyage ne laisserait pas d'être fort coûteux. Mais ne suffirait-il pas d'une ou deux belles pépites pour entrer et au-delà dans ces débours? Du reste, telle était l'animation de la ville, telle était l'affluence des voyageurs, que les deux cousins, malgré leur désœuvrement, ne s'ennuyèrent pas un instant. Rien de curieux comme les arrivées des trains, qu'ils vinssent de l'Est, du Dominion ou des États de l'Union. Rien d'intéressant comme le débarquement de ces milliers de passagers que les steamers déposaient sans cesse à Vancouver. Que de gens, en attendant leur départ pour Skagway, erraient le long des rues, la plupart réduits à se blottir dans tous les coins du port ou sous les madriers des quais inondés de lumière électrique. L'occupation ne manquait pas à la police au milieu de cette foule grouillante d'aventuriers sans feu ni lieu, attirés par le prodigieux mirage du Klondike. À chaque pas, on rencontrait ces agents vêtus d'un sombre uniforme couleur feuille morte, prêts à intervenir dans d'incessantes querelles qui menaçaient de finir dans le sang. Assurément, ces constables accomplissent leurs tâches souvent périlleuses, toujours difficiles, avec tout le zèle et tout le courage qui sont nécessaires dans ce monde d'émigrants où se heurtent toutes les classes sociales, et plus particulièrement l'innombrable classe des déclassés. Mais comment ne leur vient-il pas à l'esprit qu'il y aurait peut-être pour eux plus de profit et moins de péril à laver les boues des affluents du Yukon? Comment ne pense-t-il pas aux 5 constables canadiens qui, presque au début du Klondike, revinrent au pays avec 200 000 $ de bénéfices? Cela fait honneur à leur force d'âme, puisqu'ils ne se laissent pas griser comme tant d'autres. La lecture des journaux apprit à ce Meskin que, pendant l'hiver, la température tombait parfois au Klondike à 60 °C au-dessous de zéro. D'abord, il n'en crut rien. Mais ce qui lui donna à réfléchir, ce fut de voir chez un opticien de Vancouver plusieurs thermomètres gradués jusqu'à 80 °C au-dessous de glace. « Bon, » se disait-il vainement pour se rassurer, « cette affaire d'amour-propre, 90 °C. » Les Klondiciens, fiers de leur foi exceptionnelle, mettent une certaine coquetterie à les faire valoir. Ce Meskim, néanmoins, demeura inquiet, et finalement il se décida à franchir le seuil de la boutique pour examiner de près ces inquiétants thermomètres. Les divers modèles que le marchand lui présenta étaient tous gradués, non pas suivant l'échelle Fahrenheit, en usage dans le Royaume-Uni, mais selon l'échelle centigrade, plus particulièrement adoptée au Dominion, encore imbue des coutumes françaises. Après examen, ce Meskin dut convenir qu'il ne s'était pas trompé. Ces thermomètres étaient réellement établis en prévision de températures aussi excessives. « Ces thermomètres sont construits avec soin ?» demanda Sam Meskim pour dire quelque chose. « Assurément, monsieur, » répondit l'opticien. « Je crois que vous serez satisfait. »« Pas le jour du mois où ils marqueront 60 °C. » déclara Sam Meskim du ton le plus sérieux. « Bon, » répliqua le marchand, « l'essentiel est qu'ils marquent juste. »« C'est un point de vue, monsieur. Mais dites-moi, » insinua Sam Meskim. C'est par pure réclame, je présume, que ces instruments sont à votre étalage. Je ne pense pas que dans la pratique... Eh bien, la colonne d'alcool tombe jamais à 60 °C. Fréquemment, monsieur, affirma le marchand avec vivacité. Fréquemment, et même plus bas encore. Plus bas? Et pourquoi pas? Répondit l'industriel, non sans une évidente fierté. Et si monsieur désire un instrument gradué jusqu'à 100 °C? Merci, merci. Se hâta de dire ce Meskin, épouvanté. 60 °C me paraissent largement suffisants. Et même, à quoi bon cette acquisition? Lorsque les yeux sont brûlés sous les paupières rougies par l'âpre bise du nord, lorsque la laine retombe en neige, lorsque le sang à demi glacé est sur le point de s'embarquer dans les veines, lorsqu'on ne peut toucher un objet de métal sans y laisser la peau de ses doigts, lorsqu'on gèle devant les foyers les plus ardents, comme si le feu lui-même avait perdu toute chaleur, il n'y a pas en vérité grand intérêt à savoir si le froid qui vous tue s'arrête à 60 ou atteint 100 °C. Cependant, les jours s'écoulaient, et Ben Radel ne cachait pas son impatience. Le football avait-il donc éprouvé des retards de mer? On savait qu'il avait quitté Skagway le 7 avril. Or, la traversée ne durait pas plus de 6 jours, et il aurait dû être le 13 en vue de Vancouver. Le paquebot, consacré au transport des émigrants et de leurs bagages, à l'exclusion de toute marchandise, ne fera, il est vrai, qu'une très courte relâche. 24 heures, 36 heures tout au plus, suffiraient au nettoyage des chaudières, à l'approvisionnement au charbon et en eau douce, à l'embarquement, enfin, des quelques centaines de passagers qui avaient retenu leur place à l'avance. Quant à ceux qui n'avaient pas eu cette précaution, il leur faudrait prendre les autres paquebots attendus après le football. Jusque-là, les hôtels et auberges de Vancouver ne pouvant suffire à les recevoir, des familles entières coucheraient à la Belle Étoile, que l'on juge par leur misère présente de celle que leur réservait l'avenir. La plupart de ces pauvres gens ne devaient pas se trouver plus confortablement à bord des paquebots qui les transporteraient de Vancouver à Skagway, où commencerait pour eux l'interminable, l'épouvantable voyage qui les conduirait jusqu'à Dawson City. À bord, les cabines de l'arrière et de l'avant suffisent à peine aux passagers les plus fortunés. L'entrepont donne asile à des familles qui s'y entassent pour ces 6 à 7 jours de traversée pendant lesquels ils doivent pourvoir à leurs besoins. Quant au plus grand nombre, ils acceptent d'être enfermés dans la cale comme des animaux, comme des colis. Et en vérité, cela vaut encore mieux que d'être exposés sur le pont à toutes les rigueurs atmosphériques, aux rafales glacées, aux tempêtes de neige si fréquentes en ces parages voisins du cercle polaire. Vancouver n'était pas envahi seulement par les émigrants arrivant de toutes les parties de l'Ancien et du Nouveau Monde. Il fallait compter aussi avec les centaines de mineurs qui n'entendent point passer la mauvaise saison dans les glacières de Dawson City. Pendant l'hiver, il est impossible de continuer l'exploitation des claims. Tous les travaux sont forcément suspendus lorsque le sol est recouvert de 10 à 12 pieds de neige, lorsque, sur ces épaisses couches saisies par des froids de 40 à 50 degrés et rendues aussi dures que du granit, se brise le pic et la pioche. Aussi, ceux des prospecteurs qui le peuvent, ceux que la chance a favorisés dans une certaine mesure, préfèrent-ils revenir dans les principales villes de la Colombie. Ceux-là ont de l'or à dépenser, et ils le dépensent avec une prodigalité insouciante dont on ne saurait se faire une idée. Ils ont cette conviction que la fortune ne les abandonnera pas, que la saison prochaine sera fructueuse, que de nouveaux gisements seront découverts et mettront entre leurs mains des monceaux de pépites. À eux les meilleures chambres dans les hôtels et les meilleures cabines dans les paquebots. Ce mesquime l'eut promptement constaté, c'est parmi cette catégorie de mineurs que figuraient les gens les plus violents, les plus grossiers, les plus tapageurs, ceux qui se livraient à tous les excès dans les tripots, dans les casinos, où l'argent à la main, ils parlaient en maître. À vrai dire, le brave Semi se préoccupait peu de cette engeance, estimant, ce en quoi il se trompait peut-être, qu'il ne pouvait avoir jamais rien de commun avec l'un quelconque de ces peu recommandables aventuriers, il écoutait d'une oreille distraite ce que la rumeur publique lui apprenait sur leur compte, et bientôt il n'y pensait plus. Le 14 avril, dans la matinée, Ben Radel et lui se promenaient sur le quai lorsque la sirène d'un steamer se fit entendre. « Serait-ce enfin le football ?» s'écria Semi. « Je ne le pense pas, » répondit Ben Radel. « Ces sifflets viennent du sud, et c'est par le nord que le football doit arriver. » Il s'agissait en effet d'un vapeur qui ralliait le port de Vancouver en remontant le détroit de Juan de la Fuca et qui, par conséquent, ne pouvait venir de Skagway. Cependant, n'ayant rien de mieux à faire, Ben Radel et Semi Skim se dirigèrent vers l'extrémité de la jetée, au milieu du nombre public que l'arrivée d'un bateau attirait toujours. C'était d'ailleurs plusieurs centaines de passagers qui allaient débarquer, en attendant qu'il leur fût possible de prendre passage sur un des paquebots qui font le service du Nord, et le spectacle ne pouvait manquer d'être pittoresque. Le navire, qui s'avançait à coups de sifflet strident, était le Smith, bâtiment de 2500 tonnes qui venait de faire toutes les escales de la côte depuis le port mexicain d'Acapulco. Spécialement affecté au service du littoral, il allait redescendre vers le sud après avoir déposé à Vancouver ses passagers qui en augmenteraient encore l'encombrement. À peine le Smith eut-il accosté le ponton que son chargement humain se porta d'un même mouvement vers la coupée. En un clin d'œil, ce fut une cohue, gens et choses enchevêtrés de telle sorte que personne, à vrai dire, ne semblait plus pouvoir passer. En tout cas, tel n'était pas l'avis de l'un des passagers qui se démenait furieusement pour être le premier à terre. Sans doute, celui-ci était un habitué et savait combien il était essentiel de s'inscrire avant les autres au bureau des départs pour le Nord. C'était un gaillard de forte taille, brutal et vigoureux, la barbe noire et drue, le teint hâlé des hommes du Sud, le regard dur, la physionomie méchante, l'abord antipathique. Un autre passager l'accompagnait, de même nationalité à en juger par son apparence, et qui ne semblait ni plus patient ni plus sociable que lui. La hâte des autres était probablement aussi grande que celle de ce passager impérieux et bruyant. Mais le moyen de devancer cet énergumène, qui jouait des coudes, sans tenir aucun compte des injonctions des officiers et du capitaine, et repoussait ses voisins en les insultant d'une voix rauque qui accentuait la dureté de ses injures, proférées moitié en anglais, moitié en espagnol. « By God !» s'écria Sameskim. « Voilà ce qu'on peut appeler un agréable compagnon de route. Et s'il doit prendre passage à bord du football ?»« Bon, pour quelques jours de traversée seulement, » répondit Ben Radle. « Nous saurons bien nous tenir ou le tenir à l'écart. » À ce moment, un curieux, qui se trouvait auprès des deux cousins, s'écria. « Eh, mais c'est ce Danny Hunter ! Voilà qui nous promet du bruit dans les tripots ce soir, s'il ne quitte dès aujourd'hui Vancouver. »« Tu vois, Ben ?» fit Sammy à son cousin. « Je ne m'étais pas trompé. C'est une célébrité, ce particulier-là. »« Oui, accorda Ben, il est très connu. »« Et pas à son avantage. »« Sans doute, » expliquait Ben Radle. « Un de ces aventuriers qui vont en Amérique passer la mauvaise saison et qui retournent au Klondike à l'époque favorable pour recommencer une nouvelle campagne. » Hunter revenait en effet du Texas, son pays d'origine, et si son compagnon et lui arrivaient ce jour-là à Vancouver, c'était effectivement avec l'intention de continuer plus au nord, à bord du premier paquebot en partance. Tous deux, métis hispano-américains, trouvaient, dans ce monde si mêlé des chercheurs d'or, le milieu qui convenait précisément à leurs instincts violents, à leurs mœurs révoltantes, à leurs passions brutales, à leur goût pour l'existence irrégulière où tout est donné au hasard. En apprenant que le football n'était pas arrivé et ne pourrait, selon toute vraisemblance, reprendre la mer avant 36 ou 48 heures, Hunter se fit conduire à Westminster Hotel, où les deux cousins étaient descendus 6 jours plus tôt. Sammy se trouva nez à nez avec lui en pénétrant dans le hall de l'hôtel. « Décidément, c'est une gageure, » bougonna Sammy entre ses dents. C'est en vain qu'il s'efforça de vaincre la désagréable impression que lui laissait sa rencontre avec ce triste personnage. Il avait beau se dire que ce Hunter et lui, noyés dans la foule immense des émigrants, avaient des milliers de chances de ne plus se retrouver face à face, quelque chose l'imposait à son esprit. C'était presque inconsciemment, comme si quelque obscur pressentiment l'y poussait, que 2 heures plus tard, il s'adressait au bureau de l'hôtel et tentait d'obtenir quelques éclaircissements sur le nouveau venu. « Hunter ?» lui fut-il répondu. « Qui ne le connaît ? C'est un propriétaire de claim ? Oui, d'un claim qu'il exploite lui-même. « Et il est situé, ce claim, au Klondike, et plus spécialement, sur le Forty Miles Creek. »« Le Forty Miles Creek, » répéta Sammy surpris, « c'est réellement curieux. Dommage que je ne puisse connaître le numéro de son claim. Je parierais. »« Mais ce numéro, » dit l'interlocuteur de Sammy, « tout le monde vous le dira à Vancouver. »« C'est le numéro 131. »« 1000 carabines, » s'exclama Sammy abasourdi. « Et nous, le 129 ?» Nous sommes les voisins de ce délicieux gentleman. Voilà qui nous promet de l'agrément. Ce mesquin ne savait pas si bien dire.